comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Oui, tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Oui, tu mens, tu mens, tu mens. En tes vrais mensonges et tes demi-vérités, je ne sais plus à quel c'est me vouer. T'aimer, c'est accepter, en espérant qu'un jour tu vas changer. En tes vrais mensonges et tes multiples secrets, je ne sais plus à quel c'est me vouer. T'aimer, c'est accepter, en espérant qu'un beau jour tu vas changer. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Débat,